forêt amazonienne est-elle arrivée au point de non-retour? La déforestation a-t-elle atteint une telle ampleur qu'elle serait en train de mettre un terme au phénomène de rivières volantes? Ces rivières volantes, ce sont d'immenses courants d'air humide générés par la forêt tropicale. Ils jouent un rôle majeur dans le cycle hydrologique et permettent notamment au Brésil d'avoir un climat très humide alors qu'il se situe à des latitudes désertiques similaires à celles du sud de l'Afrique ou de l'Australie. Ce phénomène de rivière volante est dû à l'évapotranspiration, soit le passage de l'eau du sol et des plantes vers l'atmosphère, et c'est exactement ce dont nous allons vous parler aujourd'hui. Évapotranspiration, les arbres ont-ils fini d'en suer? C'est le programme végétal qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre à ce phénomène complexe d'évapotranspiration et à la façon dont les activités humaines le menacent ou le bouleversent ou le modifient, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Nathalie de Noblet-Ducoudray. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bioclimatologue, chercheuse au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Sud-Lorraine à Nancy avec Damien Bonnal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'INRA et directeur du laboratoire Silva. Mais avant de faire suer les arbres, nous allons recueillir la sève de l'actualité scientifique la plus fraîche avec le Journal des Sciences et Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec un nouveau vaccin contre les maladies intestinales chroniques. Pour le moment, ça n'a été testé que sur des souris. On est encore loin des tests cliniques. Mais à terme, cela représente un grand espoir pour lutter contre des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la maladie Crohn ou la rectocolite hémorragique, ou pour lutter contre les dérégulations métaboliques de l'intestin, telles que le diabète et l'obésité. Ce projet est porté par une équipe INSERM et elle publie aujourd'hui ses résultats dans la revue Nature Communication. Ils sont partis d'un constat. La couche du mucus recouvre la surface de l'intestin et le protège des bactéries de notre microbiote intestinal. Mais les bactéries qui parviennent à pénétrer l'intestin sont celles qui expriment une protéine, la flagelline. Le mucus produit naturellement des anticorps dirigés contre cette protéine. L'idée a donc été de stimuler cette production d'anticorps anti-flagelline. Benoît Chassin est chercheur INSERM à l'Institut Cochin à Paris. Il a dirigé cette étude. Nous, ce qu'on a voulu avec notre nouveau système d'immunisation et de vaccination, c'était un petit peu de forcer le système et essayer de voir si en immunisant les souris, on pouvait pas favoriser cette réponse anticorps dirigée contre la flagelline, hein, exactement comme fonctionnent les vaccins qui sont utilisés chez les jeunes enfants, afin de favoriser cette réponse immunitaire adaptative contre la flagelline, de manière à cibler spécifiquement ces bactéries qui pénétreraient la couche de mucus. Notre hypothèse a été vérifiée, hein, puisque en injectant de la flagelline dans ces modèles souris, on a pu avoir une réponse immunitaire adaptative avec la synthèse d'anticorps dirigés contre la flagelline au niveau de la muqueuse. Ça conduisait à un ciblage spécifique des bactéries flagellées, donc ce qui était très intéressant pour nous, puisque encore une fois, hein, ces bactéries flagellées sont les bactéries qui vont pénétrer le mucus. Donc on a utilisé plusieurs modèles, hein, où on vaccinait, on immunisait les souris, et ensuite on regardait quelle allait être leur susceptibilité à différents modèles, que ce soit d'inflammation intestinale ou de dérégulation métabolique. Et à chaque fois, ces souris étaient protégées. Les souris qui étaient immunisées, les souris qui avaient cette réponse immunitaire adaptative étaient protégées contre l'inflammation par rapport aux souris qui n'avaient pas subi le protocole d'immunisation. Et on passe au bref. Plus que 7319 dodos, l'Assemblée nationale a voté pour la fin des emballages plastiques à usage unique d'ici 2040. Oui, dans 20 ans. Et si cela est approuvé par le Parlement, cet amendement du projet de loi anti-gaspillage va fixer, par décret, tous les 5 ans, les conditions et les objectifs pour réduire la production des plastiques jetables pour atteindre la fin de leur mise en vente en 2040. Échéance trop longue face à l'urgence climatique, contour trop flou. Depuis lundi, le projet est très critiqué. Des nouvelles de l'espace avec deux lancements très attendus. L'Agence spatiale européenne lance la première mission de nettoyage de l'espace. Les milliers de débris spatiaux en orbite sont des dangers pour les activités spatiales. Le prototype Clear Space One est donc conçu comme un remorqueur équipé de 4 bras robotisés. Il devra entraîner un débris d'une centaine de kilos pour le faire brûler dans l'atmosphère terrestre. Ses premiers essais sont prévus en 2025. Et autre lancement attendu, celui du Space Launch System, la fusée de la NASA qui transportera les astronautes vers la Lune. Construit par Boeing, l'étage principal du lanceur est prêt. Le premier vol test aura lieu en 2021. Et enfin, dans Advanced Materials, des chercheurs australiens ont mis au point une peau artificielle capable de s'auto-régénérer. Les chimistes de l'Australian National University ont élaboré un hydrogel résistant et auto-cicatrisant. Cet hydrogel possède des liaisons chimiques dynamiques uniques. Lors d'expériences, le matériau pouvait changer de forme en l'espace de 10 secondes. Les auteurs pensent qu'il s'agit là d'une étape décisive pour la création de muscles ou de tendons artificiels. Prochaine étape, transformer cet hydrogel en bio-encre pour les imprimantes 3D. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Je vous rappelle que toutes les études qui ont été mentionnées ainsi que celles auxquelles il va être fait allusion au cours de cette émission, eh bien vous pouvez les retrouver, vous pouvez retrouver des liens via notre compte Twitter en vous abonnant au compte @laméthodefc. Et si vous n'avez pas de compte Twitter, eh bien vous pouvez quand même retrouver ces liens sur la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Comment expliquer qu'entre l'ombre d'un arbre et celle d'un parasol, vous trouverez plus de fraîcheur sous le ramage que sous le tissu? Eh bien simplement parce que l'arbre ne se contente pas de réfléchir comme le parasol la lumière et la chaleur du soleil, il va également refroidir alentour en évaporant l'eau du sol. Ce phénomène, c'est une partie de l'évapotranspiration qui combine les phénomènes d'évaporation de l'eau liquide et la transpiration des plantes. Il a été mis au jour dans les années 50 et constitue une part très importante du cycle hydrologique, comme l'explique notre archive du jour. Elle est issue de l'heure de la culture française. Nous sommes sur la RDF en février 1959. L'eau, ainsi emmagasinée, peut servir directement au développement de la végétation. Une partie entre dans la constitution même de ses tissus. Une autre est transpirée par elle. Cette dernière est variable, elle aussi, suivant les plantes. Qui ne connaît l'adaptation si remarquable de certaines d'entre elles aux conditions d'aridité? Elle est variable aussi suivant les conditions d'humidification du sol. De l'ordre de 5 à 600 mm pour le cotonnier, le blé, cette valeur tombe à 250 ou 300 mm pour le millet et le sorgho. Pour des arbres, elle peut aller de 100 ou 150 mm en terre assez sèche à près de 1 mètre en terre humide. L'ensemble de ce qu'on appelle évapotranspiration et que l'on mesure au moyen de grands récipients ou lisimètres pleins de terre couverts de végétation et à laquelle est fournie sans interruption, mais sans excès, toute l'eau nécessaire, correspond en zone aride à une perte annuelle qui peut aller jusqu'à 1000 mm. Une partie de cette eau provient non plus de la pluie, mais de la rosée et des précipitations occultes, ou portions d'humidité atmosphérique absorbées directement par le sol sous forme de vapeur. Voilà, février 59, ça fait une dizaine d'années qu'on commence à comprendre un peu ce phénomène d'évapotranspiration. Une réaction, je vous vois sourire, Nathalie Denoblet du Coudray. Oui, je trouve ça toujours très touchant d'entendre des témoignages qui arrivent d'aussi loin, quelque part, et qui sont toujours extrêmement d'actualité. Je voudrais juste compléter une première chose, c'est-à-dire que là, on parle d'évapotranspiration et on a mentionné jusque-là que l'évaporation directe du sol et la transpiration des plantes. Il y a deux choses de plus, il y a deux flux supplémentaires, l'un qui est la sublimation de la neige. C'est-à-dire le passage de l'état solide à l'état gazeux immédiatement. Exactement, et l'autre qui est la perte par interception des pluies par les plantes. Donc les arbres, quand il pleut, interceptent de l'eau, cette eau est immédiatement réévaporée. Et en fait, c'est l'ensemble de ces quatre flux, celui qui part directement des feuilles, celui qui transpire à travers les plantes, celui qui part du sol et celui qui part de la neige. Après, il y a aussi les lacs, mais c'est cet ensemble de flux qu'on appelle l'évapotranspiration. Mais c'est bien de le préciser maintenant. C'est vrai qu'on va parler beaucoup de la transpiration des plantes au cours de cette heure, mais on va comprendre cette évapotranspiration tout de même effectivement comme un tout, puisque la transpiration des plantes recouvre, je crois, une grande partie des quatre phénomènes que vous décrivez. J'aimerais entendre la réaction de Damien Bonal d'abord à cet archive que vous venez d'écouter. Oui, la réaction que j'aurais, c'est peut-être d'avoir envie d'expliquer comment circule l'eau dans un arbre, en tout cas quand il y a transpiration. Alors, est-ce qu'on prend le temps de le faire un petit peu maintenant? Écoutez, si j'allais vous poser la question dans quelques minutes, mais si vous voulez le faire tout de suite, je vous en prie. Oui, alors, donc l'eau, elle est présente dans le sol, autour des racines. Et la question, c'est pourquoi de l'eau, en fait, qui est dans le sol, va comme ça monter dans l'arbre et s'évaporer au niveau essentiellement des feuilles, mais aussi au niveau des troncs, des branches. Et donc la raison, hein, c'est qu'il y a autour de la plante, l'air est sec. Et l'eau bouge, hein, est en mouvement depuis les horizons du sol humide, liquide, vers cette atmosphère qui est plus sec, avec une pression de vapeur, hein, dans l'atmosphère qui est importante. Et donc, c'est un phénomène qui est complètement passif, hein, qu'on pourrait appeler thermodynamique, c'est-à-dire que l'eau va circuler à travers les vaisseaux du xylème dans l'arbre, dans les plantes, parce qu'il y a cet air sec dans l'atmosphère. Et donc, c'est une sorte de compensation effectivement passive, comme vient d'expliquer Damien Bonal, Nathalie Denoblet-Ducoudray. Oui, tout à fait. Oui, je pense que son explication est intéressante parce que c'est pour moi, je fais en tant que physicienne d'origine, c'est l'analogie avec un circuit électrique. Vous avez une différence de potentiel. Donc là, c'est des pressions de vapeur dans le sol et dans l'air, et puis ça met en mouvement. Et puis vous avez un circuit résistif. Et ce circuit résistif, alors je pense que les écophysiologues sourient peut-être quand on parle comme ça, mais c'est ainsi que nous avions construit les premiers modèles de végétation en raisonnant avec une analogie de circuit électrique. Oui, vous disiez, la plante est en quelque sorte une résistance qui s'oppose plus ou moins au transfert de l'eau entre la Terre et l'atmosphère. Vous validez cette vision physicienne, en quelque sorte, de la transpiration végétale, Damien Bonal? Oui, oui, tout à fait. C'est absolument le modèle que l'on garde actuellement en tête quand on explique à des étudiants ou quand on réfléchit par rapport aux observations que l'on a dans les forêts, dans les différentes plantes, sur ces flux. C'est vraiment l'analogie à la loi d'Ohm, que, comme l'a évoqué Nathalie, c'est tout à fait encore d'actualité pour expliquer des différences de vitesse de transpiration entre différentes plantes ou évidemment de l'effet du climat, de l'effet du rayonnement, de la température de l'air sur ces flux. Ce qu'il faut peut-être expliquer aussi, c'est la notion d'échelle, c'est-à-dire que ce qui se passe évidemment à l'échelle de toute plante, d'une plante isolée, prend des proportions gigantesques quand on la remet à l'échelle d'un massif forestier, qui plus est d'un massif forestier aussi important que l'Amazonie ou que l'Afrique tropicale, et que d'un seul coup, bien cette évapotranspiration va jouer un rôle essentiel dans le cycle hydrologique de la planète. Oui, tout à fait. Alors, si on va encore plus loin à l'échelle du globe, nos continents aujourd'hui évaporent ou évapotranspirent 74 000 kilomètres cubes d'eau par an, c'est-à-dire 74 millions de milliards de litres d'eau. Donc, c'est énorme. Et ça représente à peu près 65% des précipitations que nous recevons sur nos mêmes continents. Donc, les deux tiers de la pluie. Voilà, les deux tiers de la pluie sont expliqués par ce qu'il vient de nos continents. Et puis, l'autre tiers, c'est un transport net depuis l'océan qui, lui, évapore des quantités beaucoup plus magistrales d'eau, puisque l'évapotranspiration des continents, c'est 14% de l'évaporation totale du monde. Donc, 14%, c'est peu, finalement. Et donc, l'ensemble de l'eau vient, la vapeur d'eau vient des océans, et environ un tiers est transporté sur les continents. Donc, ce qui nous tombe en termes de pluie sur les continents, c'est une combinaison de l'évapotranspiration locale et de ce qui nous vient en advection des océans. Un mot peut-être, Damien Bonal, là-dessus, il faut effectivement bien séparer quand on parle de ces volumes d'eau que vient de décrire Nathalie Denoblet-Ducoudray. Il s'agit bien des précipitations continentales, hein, c'est deux tiers des précipitations continentales et pas deux tiers des précipitations à l'échelle du globe. Oui, alors je ne sais pas ce que je peux ajouter par rapport à ça, c'est parfaitement clair. Il faut distinguer les effets continentaux des effets des océans quand on réfléchit à cette échelle globale sur Terre. Alors j'avais envie de revenir en fait à un point tout à l'heure que l'on n'a pas évoqué, c'est la notion de stomate. Bien sûr. Parce qu'on a parlé de transpiration. Et on pourrait faire cette analogie pour expliquer cette transpiration au niveau des feuilles, cette analogie avec les pores de la peau d'un humain. Au niveau des feuilles, il y a des petits pores aussi, donc que l'on appelle des stomates, et c'est à travers ces pores que l'eau va s'évaporer pour une feuille. Et donc on étudie, on appelle ça la conductance tomatique, et je voulais évoquer ça parce que de nouveau on fait référence à la physique hein, pour comprendre comment ces pores s'ouvrent ou se ferment en fonction des facteurs du climat. Et vont donc libérer plus ou moins de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Ce qui est intéressant, puisque on en vient aux stomates tout de suite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien directement entre justement la transpiration des plantes, c'est-à-dire l'émission de vapeur d'eau, et l'inspiration de dioxyde de carbone. C'est une sorte de valve à double sens, et que ça va être très important justement par rapport justement à l'émission globale de gaz à effet de serre et notamment de dioxyde de carbone à l'échelle planétaire, Damien Bonnal. Oui, tout à fait. On peut même le dire comme ça. Pourquoi, en fait, dans l'évolution, au cours des millions d'années, pourquoi, finalement, les plantes se sont mises comme ça à transpirer, enfin, à devoir transpirer? Et si on explique de façon très simpliste, hein, ce serait pour dire que, au cours de la photosynthèse, hein, donc quand la feuille reçoit du rayonnement solaire et qu'elle va alors mettre en marche sa machine biochimique et pouvoir fixer du dioxyde de carbone, eh bien, elle s'échauffe. Hein, elle est en plein soleil, sa température devient importante et finalement, elle a besoin de cette eau qui vient du sol pour se refroidir. C'est une façon un peu simple de présenter les choses, mais c'est pour ça que ce flux de carbone qui entre par la photosynthèse et ce flux d'eau qui sort par la transpiration est très lié, en fait. Et on lit d'ailleurs ces deux flux à travers un paramètre en écophysiologie que l'on appelle l'efficience d'utilisation de l'eau, qui est calculé comme le rapport entre cette quantité de carbone qui va rentrer au cours de la photosynthèse par rapport à cette quantité d'eau qui va sortir par la transpiration. Et donc, il y a des plantes qui sont très efficientes, hein, entre guillemets, elles gaspillent peu d'eau par rapport à la quantité de carbone qu'elles vont recevoir, et d'autres qui sont, au contraire, beaucoup plus gaspillantes, qui ont besoin d'énormément d'eau pour cette photosynthèse. La différence entre les plantes qui arrivent très bien à s'adapter à des milieux très secs, qui ont besoin évidemment de moins d'eau, et des plantes qui sont, elles, plus habituées à des milieux très humides, qui elles, vont en gaspiller plus. Oui, tout à fait. On peut faire cette différence, mais à l'intérieur d'un écosystème donné, par exemple les forêts tempérées, on va quand même trouver des très grandes différences d'efficience d'utilisation de l'eau entre les arbres et dans des rapports qui sont parfois de 1 à 2, de 1 à 4, c'est-à-dire vraiment 4 fois plus d'eau transpirée par un arbre par rapport à son voisin, juste parce que ce sont des espèces différentes. De quel volume d'eau transpirée parle-t-on par rapport à la consommation générale de la plante, Damien Bonnal? Alors, donc c'est, on entend que c'est très variable, mais pour avoir des ordres de grandeur en quelque sorte. Oui. On va prendre l'exemple d'un très gros arbre dans les forêts tropicales humides. Pendant la saison des pluies, il y a beaucoup d'eau dans le sol et puis une journée bien ensoleillée, donc beaucoup de rayonnement. La température de l'air est autour de 33 degrés, donc assez chaud. Eh bien, un grand arbre dominant de la canopée va transpirer de l'ordre de 100 à 150 litres d'eau par jour. Donc cette eau, il la puise dans le sol hein, et elle va circuler à travers les vaisseaux du xylème hein, autour de son tronc et donc être évaporée au niveau des feuilles. Si on prend un hêtre, par exemple, dans notre région de Lorraine, une journée aussi ensoleillée pendant l'été, eh bien l'ordre de grandeur va être un petit peu inférieur, mais il n'est pas si différent que ça. Ça va être entre 50 et 100 litres d'eau par jour, parce que la durée du jour est importante, parce que le rayonnement aussi va être important, les températures sont importantes, et tout ça va faire que ce hêtre va transpirer ce genre de volume. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h20, nous parlons donc d'évapotranspiration tout au long de cette heure en compagnie de Damien Bonnal qui est avec nous en duplex depuis France Bleu Sud-Lorraine et Nathalie Denoblet-Ducoudray. Nathalie Denoblet-Ducoudray, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, hein, comme vient de nous le dire Damien Bonnal, que 100-150 litres à l'échelle d'un grand arbre par jour, c'est une quantité d'eau considérable. On imagine que, évidemment, démultiplier dans une forêt, et qui plus est dans une forêt tropicale, d'un seul coup, eh bien, ça va complètement rythmer les cycles hydrographiques et hydrologiques, la pluie, les précipitations de tout ce milieu. Ça va créer finalement une sorte de cycle interne de microclimat propre à cette forêt. Oui, oui, tout à fait. De macro-climat d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis micro. La transpiration, c'est de loin, et notamment dans les massifs forestiers, la composante dominante de l'évapotranspiration. À l'échelle mondiale, c'est 80% de l'évapotranspiration totale. Donc ce sont des volumes énormes, et à l'échelle d'un massif forestier, ça peut, en saison sèche, ça va être 100% de l'évapotranspiration locale. Donc ce sont effectivement des volumes énormes qui sont envoyés dans l'atmosphère et qui contribuent donc à son humidification, et comme vous l'aviez signalé en tout début d'émission, ça contribue aussi à refroidir la surface, puisque tout à l'heure nous avons fait l'analogie entre l'évapotranspiration et la photosynthèse, en disant que c'est à travers les stomates que ces deux flux se produisent, enfin transpiration et photosynthèse. Et puis de la même manière, on peut faire l'analogie entre l'évapotranspiration et ce qu'on appelle le flux de chaleur latente, c'est-à-dire c'est un flux d'énergie turbulent, c'est une convection de chaleur humide, et c'est une des façons de se refroidir qu'à la surface. Et donc, quand on enlève de l'eau au sol, on évapotranspire, on refroidit le sol, d'où cette sensation de fraîcheur quand on rentre à l'intérieur d'une forêt. Ou qu'on se met à l'ombre d'un arbre, ce que j'évoquais par rapport au parasol. Ce qui est intéressant, c'est que ça conditionne, donc, comme je le disais, par exemple, pour la forêt amazonienne, je le disais au tout début, sans la forêt amazonienne, le Brésil serait normalement désertique. C'est cette forêt, c'est cette évapotranspiration qui a totalement créé finalement ce climat du centre du continent sud-américain. Oui, alors ce qu'on sait, alors c'est amusant parce que ce concept de rivière volante dont on parle maintenant, c'est un ancien concept qui s'appelait les rivières aériennes et qui sont sorties dans les années 90. Donc on réinvente à chaque fois avec des termes peut-être un petit peu plus imagés à chaque fois. Mais ça représente effectivement ces grands transports par l'atmosphère de vapeur d'eau. Donc effectivement, là où l'évapotranspiration se produit, n'est pas forcément là où cette vapeur d'eau est utilisée pour la pluie. Elle va être précipitée. Exactement. Donc en fait, on a une espèce de délocalisation du phénomène. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que même si sur le continent amazonien, l'essentiel de l'eau de pluie vient des océans, par transport de vapeur d'eau depuis l'océan vers le continent, s'il n'existait pas la forêt pour recycler sur son passage cette eau à chaque fois qu'elle précipite, eh bien, je pense que effectivement toute la moitié ouest de l'Amérique du Sud et certaines zones au sud ne pourraient pas être arrosées. Donc, effectivement, à l'origine, l'eau vient de l'océan, ouais. Mais au fur et à mesure qu'il pleut, elle est recyclée par évapotranspiration et retransportée quelques centaines de kilomètres plus loin, et ainsi de suite tout le long de la circulation atmosphérique. D'où, je pense, j'imagine, le terme de rivière volante, puisqu'on imagine bien une rivière au-dessus de nos têtes. On y reviendra tout à l'heure plus précisément à cette question de rivière volante, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a effectivement un papier qui a été publié, une étude qui explique que cet équilibre pourrait être menacé par la déforestation et par les modifications climatiques. On en parlera tout à l'heure en deuxième partie d'émission. J'aimerais redire un mot, peut-être avec vous, Nathalie de Noblet-Ducoudray, de ces grands équilibres d'évapotranspiration à l'échelle du globe, de ces grands mouvements, parce que quand on pense évapotranspiration, on vient d'en parler, on pense forêt amazonienne, mais ça n'est pas du tout propre à la forêt amazonienne, il y a de l'évapotranspiration, les forêts sibériennes également. Exactement, partout où il y a des forêts, partout où il y a de la végétation, on a ce flux qui se produit et qui donc rafraîchit et qui met de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc c'est intéressant de le voir. Après, il faut voir aussi que si on déforestait l'intégralité des continents ou si on supprimait toute végétation des continents, on ne supprimerait pas toute la pluie des continents. Et paradoxalement, on ramènerait beaucoup plus de pluie des océans vers les continents si on rendait la planète totalement désertique. On diminuerait d'une grande, enfin, on mettrait à zéro pratiquement l'évapotranspiration, mais la pluie ne diminuerait que d'un facteur 1,5 par exemple. Donc ce sont des choses qui sont assez troublantes quand on imagine le rôle que peuvent jouer l'évapotranspiration dans le système climatique, mais c'est parce que l'évapotranspiration contribue aussi d'une mise en mouvement de l'atmosphère, c'est-à-dire que l'air humide est plus léger que l'air sec, donc il tend à s'élever, donc il crée une convection. Une fois que cette vapeur d'eau arrive à une certaine altitude, elle peut condenser, former des précipitations. Les vents horizontaux transportent cette vapeur d'eau. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, quand on évapore, on refroidit. Et donc, on crée des gradients horizontaux entre des zones froides et des zones chaudes. Et là aussi, on crée un mouvement horizontal. Donc, on a une grande redistribution de l'eau, de l'énergie, de la température induite quelque part par ce phénomène d'évapotranspiration. Donc, ce sont des mouvements qui existent à toutes à tout point de la planète à partir du moment où on a une végétation. Damien Boda, à ce propos, justement, vous évoquiez juste la différence de rendement des plantes. Il y a une grosse différence, une différence importante de rendement en fonction de la latitude et donc de la température, ou est-ce que c'est plutôt juste une question de sécheresse et de taux d'humidité locale? Oui, il y a des différences en fait, mais il y a aussi beaucoup, on est surpris parfois par des similitudes, c'est-à-dire que des arbres qui peuvent pousser dans des régions tempérées vont avoir des niveaux d'évapotranspiration ou des niveaux de photosynthèse qui sont pas si différents que ça finalement de plantes qui sont dans des forêts boréales ou dans des forêts tropicales humides. Comment est-ce qu'on mesure finalement, alors à l'échelle locale ou à l'échelle planétaire, cette évapotranspiration, Nathalie Denoblet-Ducoudray? Je pense que Damien pourra répondre peut-être plus précisément que vous moi, mais tous les deux. Je vais revenir sur le point, parce que la première méthode qui a été utilisée, je crois que c'est la première, et qui a été évoquée dans le petit extrait de 1959 que vous nous avez fait écouter, c'est le lisimètre. En gros, vous mettez, en général c'est des herbacées ou du sol nu, dans un bac que vous pesez, et donc vous mesurez la quantité d'eau qui sort de ce bac. Donc je pense que c'était une des premières mesures. Après, vous avez des méthodes de bilan d'eau. Donc ce qu'on peut mesurer, c'est la quantité de précipitation qui arrive, c'est éventuellement des variations d'humidité dans le sol. Et donc en faisant un bilan d'eau par rapport à ce qui rentre, la précipitation et la variation de quantité d'eau dans un sol, et ce qui ruisselle qu'on peut mesurer aussi, on en déduit une évapotranspiration. Donc c'est vraiment le résultat d'un bilan. On peut faire la même chose sur un bilan d'énergie, puisque je vous disais que l'évapotranspiration, c'est un flux de chaleur. Donc on est capable de mesurer des rayonnements entrant, sortant. Et donc on peut faire par une méthode de bilan d'énergie. Ensuite, vous avez des méthodes de tour à flux, où là, vous allez mesurer un gradient d'humidité de l'air entre deux niveaux et puis la turbulence de l'air. Et donc, vous allez en déduire un flux d'évapotranspiration. Et puis, une méthode, je pense que peut-être Damien connaît beaucoup mieux que moi, qui est celle de la méthode des flux de sève. Et ensuite, on commence à utiliser les données satellites pour essayer d'en déduire l'évapotranspiration aussi. Il y a toute une série de méthodes. Du très local au très global. On va parler du très global dans un instant et des modèles auxquels vous avez contribué, mais on va rester quelques instants avec vous, Damien Bonal, dans le très local. Oui. Oui, alors c'est dans les années 80-90 quand on s'est intéressé vraiment à essayer de mesurer ces flux entre l'écosystème et l'atmosphère, ou entre des individus, des arbres et l'atmosphère, que deux grandes méthodes en fait pour mesurer cette évapotranspiration ont été développées. Donc Nathalie l'a dit, l'une s'est basée sur ces tours à flux. Donc c'est l'idée en fait de pouvoir installer, pourquoi une tour ? Pour installer des capteurs au-dessus de l'écosystème, et en fait essentiellement ça va être un analyseur pour mesurer la concentration en eau dans l'atmosphère, et puis un anémomètre sonique, c'est-à-dire à très haute fréquence, qui va nous permettre d'obtenir la vitesse verticale du vent. Et à partir de ces deux paramètres, en fait, on est capable de calculer, en effectuant d'un point de vue mathématique, une covariance, ça c'est pas très compliqué, mais une covariance de ces deux paramètres sur un temps donné, typiquement 30 minutes, de calculer directement le flux d'eau qui va sortir de l'écosystème. Donc ça, c'est une façon de mesurer ce flux d'eau, en fait cette chaleur latente, comme le disait tout à l'heure Nathalie, à l'échelle d'un écosystème, c'est-à-dire sur quelques hectares, par exemple, si on installe une tour au-dessus d'une prairie, mais de l'ordre de 50 à 100 hectares de forêt, quand on installe ces capteurs au-dessus d'une forêt, et on a installé un tel dispositif en forêt tropicale humide, en Guyane par exemple. Donc ça c'est à l'échelle de l'écosystème. Et à l'échelle de l'arbre, il y a des capteurs qui ont été développés dans les années 80, il y en a un qui est connu parce que développé par l'INRA, il avait été breveté, et en fait développé par un collègue de mon unité qui s'appelle André Granier, donc on les appelle des capteurs Granier, et qui permet en fait, en insérant des petites sondes, des thermocouples en fait, dans le xylème des arbres, donc dans la partie extérieure hein, du tronc des arbres, et bien en fait de mesurer la vitesse à laquelle la sève circule dans ce xylème, et ensuite bon, par un petit modèle, on est capable d'en déduire quelle est la transpiration individuelle, hein, arbre par arbre. Si on installe une centaine de capteurs dans une forêt, et bien on pourra alors caractériser très finement la transpiration toutes les demi-heures, chaque jour, et si on fait ça toute une saison, au cours de cette saison, la transpiration de chacun de ces arbres. Et donc on a au niveau de l'individu, de l'arbre, au niveau de l'écosystème. Et si on se place au niveau bien global, au niveau de la planète, on a besoin évidemment d'avoir recours à des modèles informatiques. Vous les connaissez bien, Nathalie de Noblet-Ducoudray, ces modèles informatiques, puisque vous êtes à l'origine de l'un d'entre eux dont on va parler à l'instant, le modèle Orchidée. Et c'est celui que vous êtes allé voir pour le reportage du jour, Antoine Beauchamp. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, et c'est Nicolas Viovi qui est chercheur CNRS au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, le LSCE-OCEA, qui m'a reçu. Nicolas Viovi nous parle du modèle Orchidée, utilisé au LSCE, qui permet de simuler à grande échelle les processus biologiques, dont l'évapotranspiration, mais aussi la photosynthèse et la production de biomasse. En couplant ces informations et les modèles, Nicolas Viovi et ses collègues peuvent proposer différentes simulations de l'évolution de ces processus. Mais ça n'est pas tout. Grâce à des observations in situ, ou bien grâce à l'observation par satellite, les chercheurs prennent avec autant de précision que possible le pouls de ces phénomènes biologiques qui sont intimement liés à l'évolution du climat. Ces modèles-là sont forcés par des données climatiques. Donc on a un certain nombre de données climatiques qui sont disponibles. Alors on fait des simulations qui peuvent aller de l'échelle d'une parcelle à l'échelle du globe. Dans ces cas-là, on utilise ce qu'on appelle des réanalyses climatiques qui nous donnent les champs comme la température, les précipitations, etc. toutes les deux heures à peu près et sur l'ensemble du globe. Donc à une échelle, on coupe en fait le monde en grilles dont à une échelle relativement grossière à l'échelle du globe. Hein, typiquement, la grille, elle fait à peu près 25 km. Et donc, pour chacune de ces grilles, on va entrer ces données climatiques et le modèle va calculer pour les différents types de végétation, parce qu'on prend en compte un certain nombre de végétations différentes, évidemment, les forêts, les cultures, etc. Et donc, le modèle va simuler, à partir de ces données d'entrée, lui va simuler un certain nombre de choses, donc qui sont l'évapotranspiration, mais bien d'autres choses, la biomasse, la productivité, la photosynthèse, par exemple. Alors à partir de ce modèle-là et de ces calculs-là, quel type de projection vous pouvez réaliser et quelle finalement proposition vous faites aux analystes, aux études qui sont en cours sur ces questions dont on parle, l'évapotranspiration en fait partie. Oui, donc à la fois, oui, c'est vrai que j'ai parlé donc des données, on a des données historiques qui sont en fait les sorties des modèles météorologiques hein, tels qu'on les voit, mais aussi on a des projections climatiques qui sont basés sur un certain nombre de scénarios climatiques où on considère des émissions de CO2 plus ou moins importantes, donc qui vont conduire à des augmentations de température et d'autres facteurs de précipitation, etc., différents. Et donc, c'est grâce à ces projections climatiques que nous, on va pouvoir faire des projections sur les impacts et en particulier voir comment va évoluer l'évapotranspiration dans le futur et comment éventuellement le fait que l'évapotranspiration va augmenter ou va baisser va pouvoir avoir un impact aussi sur le climat. Alors, vous faites des scénarios, mais vous ne faites pas que ça. Vous vous servez aussi d'autres moyens pour vérifier l'exactitude de ces modèles. Je crois que vous utilisez notamment la télédétection. Comment vous impliquez cette télédétection-là dans vos travaux de recherche? Et quel type d'observation vous utilisez et vous faites? En termes d'observation, effectivement, la télédétection, c'est un outil qui est extrêmement intéressant parce qu'il nous permet d'avoir une vision du globe, de l'ensemble du globe. Le problème de la télédétection, c'est qu'on n'a pas d'observation directe de l'évapotranspiration. On n'a que des observations qui sont un peu indirectes. Donc on est obligé de passer quand même par des modèles, quelque part là aussi, même si on parle d'une observation, mais en fait, en réalité, il y a quand même un modèle derrière. Et on utilise des informations comme ce que peut mesurer le satellite, par exemple, c'est la température de la surface, par le rayonnement en fait infrarouge qui est émis par la surface. Cette température de surface, quand on connaît la température de l'air, bon, moyennant un certain nombre d'hypothèses, ça nous permet de savoir quelle était l'évapotranspiration. Donc ça, c'est un des moyens de calculer l'évapotranspiration par satellite. Et donc ça nous permet de voir dans quelle mesure le modèle est cohérent avec la réalité. Mais c'est aussi directement un outil qui permet d'analyser l'évolution justement de cette évapotranspiration sur les deux ou trois dernières décennies, puisque maintenant on a quand même des données satellites sur une trentaine d'années. Et donc on peut vraiment regarder comment a évolué cette évapotranspiration au cours du temps. Alors ça c'est pour une des méthodes de mesure. Est-ce qu'il y a d'autres outils de mesure qui sont utilisés pour réaliser ces évaluations-là d'évapotranspiration. Il y a effectivement des outils qui permettent d'avoir des mesures directes, et en particulier on a ce qu'on appelle les mesures de flux. Donc on a un certain nombre d'écosystèmes, alors c'est local, hein, mais grâce à, on installe des tours au-dessus des écosystèmes, et en fait on peut mesurer les flux qui sont échangés avec l'atmosphère. Donc on peut mesurer à la fois le flux de CO2, donc estimer quel est le CO2 qui est absorbé ou rejeté par la végétation, mais donc également aussi les flux d'eau. Et donc on peut mesurer l'évapotranspiration de la végétation. Donc là aussi, il y a un réseau de plus en plus dense, il y a maintenant un peu plus d'une centaine de stations à travers le monde. Alors c'est très irrégulièrement espacé. Il y a beaucoup de choses en Europe, il y a beaucoup de choses aux États-Unis par exemple. On a beaucoup moins de stations par exemple dans les tropiques, ce qui est dommage parce que c'est une zone très importante. Mais néanmoins, là, on a l'avantage qu'effectivement, on a directement cette mesure d'évapotranspiration. Et là aussi, on a des stations qui existent depuis au moins une bonne dizaine d'années. Une des choses qui est importante, hein, c'est le couplage qui existe entre cette évapotranspiration et la photosynthèse. Et en particulier, le lien qu'il y a avec la concentration en CO2 dans l'atmosphère, parce que la concentration en CO2 dans l'atmosphère, on sait que ça a un effet qu'on appelle fertilisant sur la végétation, donc jusqu'à un certain seuil. En fait, il y a une limite, hein, mais plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, et plus la végétation est capable de produire. Mais il y a un deuxième effet qui est aussi très important, c'est que ce qu'on appelle un effet antitranspirant, c'est-à-dire que la végétation, plus la concentration en CO2 est importante et plus elle va fermer ce qu'on appelle ses stomates, donc qui sont des éléments qui permettent à la plante en fait de contrôler la façon dont elle va perdre de l'eau et gagner du CO2. Et donc plus il y a de CO2, plus son efficacité de la photosynthèse est importante et donc plus elle va pouvoir fermer ses stomates et éviter de perdre de l'eau. Donc ça c'est un point très important parce que ça veut dire que ça va permettre à la plante d'être plus résistante à la sécheresse. Donc un facteur très important, c'est ce qu'on appelle l'efficience d'utilisation de l'eau, c'est la quantité de carbone que la plante va pouvoir gagner par rapport à sa perte en eau, hein, puisque elle, de son point de vue, la perte en eau est un facteur, je dirais, une conséquence de sa photosynthèse et du fait qu'elle est obligée d'échanger des gaz avec l'atmosphère. Mais elle, son objectif, entre guillemets, c'est d'essayer de limiter ce facteur-là. Et donc là, on a quelque chose qui est important, puisqu'on a cet effet antitranspirant. Et on essaye de comprendre ça, parce que c'est quelque chose qu'on connaît très mal. Et donc c'est vraiment un sujet d'étude qui est très important parce qu'évidemment ça va conditionner la réponse de la végétation dans un climat futur en fonction de ce facteur-là. Voilà le reportage du jour sur ce modèle informatique orchidée dont vous êtes un peu à l'origine, Nathalie de Noblet-Ducoudray. Un mot sur ce reportage. Oui, tout à fait. C'est quelque chose que j'ai développé pendant ma thèse, la première brique qui était justement tous les transferts d'eau entre végétation et atmosphère. Et puis depuis, il y a énormément de gens qui travaillent. C'est un sujet qui devient très très important. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce genre d'outils nous permet non seulement d'évaluer l'évolution des surfaces et de leur fonctionnement et leur futur, mais c'est aussi une condition à la limite inférieure dans des modèles de climat. Et on l'utilise vraiment en interaction dans un modèle de climat, puisque ça nous permet de calculer de manière continue l'évolution conjointe du comportement des surfaces continentales et de la végétation et de l'atmosphère, de la même manière qu'on a un couplage avec les océans aussi, et l'ensemble de ces boîtes-là constituent un modèle climatique. Donc ce sont des outils qui deviennent très très fondamentaux dans l'étude du climat. Et surtout aujourd'hui, et on va en reparler dans quelques instants justement des dérèglements du climat et des liens avec l'évapotranspiration, j'aimerais juste demander à Damien Bonnel une petite réaction justement à ces modèles informatiques, à cette vision des superstructures climatiques et de leur lien avec l'évapotranspiration. Oui. Ce que j'ai vraiment aimé dans ce reportage, en fait, c'est que ce collègue, en fait, a bien fait le lien entre tout ce travail de modélisation qui est réalisé dans des laboratoires comme celui de Nathalie, et puis le travail que des laboratoires comme le mien font plutôt au niveau des arbres et des écosystèmes, puisqu'il a montré que à partir de ce modèle, hein, ce sont des équations, hein, quelque part sur un ordinateur, et pour pouvoir identifier si ce modèle représente correctement la réalité de ce qui se passe passe entre dans ces échanges d'eau ou carbone à l'échelle globale, ben il a besoin de confronter ces données, d'intégrer des données, des données réelles, et de confronter les sorties de ces modèles à partir des paramétrages que l'on peut faire sur des vrais sites. Et donc typiquement, que ce soit en Guyane ou que ce soit dans les forêts tempérées, on contribue comme ça, par les travaux que l'on fait au niveau des arbres ou des écosystèmes, à pouvoir améliorer en fait la façon dont les modèles représentent la réalité. Voilà, on va reparler dans un instant des rivières volantes dont il était brièvement question il y a quelques instants, et surtout de la façon dont ont évolué ces rivières volantes avec la déforestation et le réchauffement climatique juste après ça. There was once a desert, and it had three trees, there, there, and there, and a pool of water over there. A little antelope trips across the desert, and drinks at the pool of water. Between the three trees, there, there, and there. A lion's roar is heard in the distance, but the little antelope just went on drinking at the pool of water. Between the three trees, there, there, and there. Three Trees de Loustone sur France Culture à 16h40, puisque nous parlons d'arbres et de leur faculté à transpirer et de l'influence de cette transpiration sur le climat à l'échelle globale, locale. C'est l'évapotranspiration. Nous en parlons avec Nathalie Denoblet-Ducoudray, qui est bioclimatologue, chercheuse au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à l'Institut Pierre-Simon Laplace, et avec Damien Bonal, qui est avec nous en duplex depuis Nancy et qui est directeur de recherche à l'INRA et directeur du laboratoire Silva. Mais comme tous les mercredis à mi-parcours, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Clarisse Abivin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en deuxième année de thèse à l'IFSTAR de Nantes en collaboration avec le CEREMA Île-de-France. Vous travaillez sur la mesure de l'évapotranspiration à petite échelle spatiale en milieu urbain. Bienvenue à la recherche montre en main, on vous écoute. Alors tout d'abord, merci de votre invitation. Donc comme vous l'avez dit, je suis actuellement en deuxième année de doctorat à l'IFSTAR, un institut de recherche situé à Nantes, et je réalise mes travaux en collaboration avec le CEREMA Île-de-France, donc sous la direction de Fabrice Rodriguez, chercheur à l'IFSTAR, et je suis co-encadrée par David Ramier, qui est chercheur au CEREMA. Alors je vais vous présenter mes travaux de thèse qui portent sur la mesure de l'évapotranspiration sur de petites surfaces urbaines. Donc, comme ça a été dit un petit peu plus tôt dans l'émission, l'évapotranspiration comprend d'une part le phénomène d'évaporation de l'eau présente à la surface du sol ou sur les feuilles des plantes vers l'atmosphère, et d'autre part le phénomène de transpiration des plantes qui libèrent de l'eau de leur stomate pour la photosynthèse et pour réguler leur température. Alors, pourquoi s'intéresser à mesurer l'évapotranspiration en ville ? Eh bien, parce que la ville est minérale, mais elle est aussi végétale. Et qui dit végétal dit évapotranspiration. Donc actuellement, le milieu urbain est soumis à une urbanisation croissante et au changement climatique, qui entraîne notamment un inconfort thermique accentué par les épisodes de forte chaleur et un ruissellement plus important de l'eau pluviale. Et pour aménager durablement les villes et réduire ces effets néfastes, des solutions d'aménagement végétalisées sont de plus en plus utilisées, comme les toits ou les parkings végétalisés, ou bien aussi les nids, qui sont de petits fossés végétalisés prêts à récupérer l'eau de pluie. Mais actuellement, on ne sait pas bien quantifier l'impact de ces solutions végétalisées sur la ville. Donc, par exemple, est-ce qu'à proximité d'un toit végétalisé, la température ambiante de l'air diminue ? A priori oui, mais de combien ? Et pour répondre à cette question, il faut être capable de mesurer la quantité d'eau qui repart vers l'atmosphère par évapotranspiration. Et ce n'est pas si simple que ça. Donc, il est déjà possible de mesurer l'évapotranspiration avec des mâts météorologiques de grande taille, donc de l'ordre de 30 mètres de haut, par exemple. Donc, c'est ce qui a été appelé aussi tour à flux. Donc ça, c'est faisable en milieu urbain sur de grandes surfaces de la taille d'un hectare à 1 km². Mais sur de petites surfaces, donc celles des aménagements urbains qui sont de quelques centaines de mètres carrés, comme beaucoup de surfaces végétalisées, on ne sait pas encore le faire. Et c'est tout l'objectif de ma thèse. Donc pour cela, j'utilise une méthode appelée méthode paradicovariance. Donc ça paraît impressionnant comme mot, mais en fait c'est pas si compliqué. Si on décompose, donc eddy, c'est un mot anglais qui signifie tourbillon. Et en fait, le vent peut être vu comme une superposition de plein de tourbillons de tailles différentes. Et la covariance, donc c'est un outil statistique qui permet de calculer, dans mon cas, comment les petites modifications de la vitesse du vent vertical varient avec celle de la température ou de l'humidité. Par exemple, est-ce que le tourbillon transporte l'eau contenue dans l'air vers le haut ou vers le bas? Et donc, moi, je commence par mesurer la vitesse du vent vertical, la température et l'humidité dans un petit volume dans lequel passent les tourbillons. Donc, ces mesures sont faites avec des instruments placés sur un mât à environ 1 mètre de haut, donc c'est une toute petite tour à flux, et j'obtiens 10 mesures par seconde. Donc, sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, ça représente une grande quantité de données. Et j'utilise ensuite un logiciel pour calculer à partir des nombreuses mesures les covariances. Et de ça, j'en déduis l'évapotranspiration. Mais cette méthode n'est pas si simple à mettre en œuvre en ville, puisqu'en effet, il y a de nombreux bâtiments divers et variés, et donc l'écoulement du vent est perturbé et ne vient pas que d'une direction. Donc on ne sait pas forcément si la mesure qu'on fait est correcte. Et ma thèse doit permettre de résoudre ce problème en mettant en évidence les cas dans lesquels c'est possible et ceux pour lesquels ça ne fonctionne pas. Et ensuite, la méthode de mesure pourra être appliquée sur différentes surfaces végétalisées. Et cela permettra d'aider les aménageurs à mieux connaître les impacts de tel ou tel aménagement végétalisé sur l'évapotranspiration et donc sur le cycle de l'eau et sur la température en ville. Donc voici en quelques mots les objectifs de ma thèse et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Clarisse Abivin de nous avoir présenté brillamment vos travaux. Peut-être un mot de réaction, effectivement, on pense et on n'arrête pas de parler de forêt tropicale, de forêt sibérienne, de grands massifs forestiers. L'évapotranspiration, c'est un rôle aussi en milieu urbain. Oui, et je pense que ça a un rôle surtout, comme cela vient d'être exposé, un rôle rafraîchissant. Et c'est vraiment ce pouvoir-là qui est recherché en ville, puisque en milieu urbain et en conditions de changement climatique ou d'augmentation d'événements un peu caniculaires, l'inconfort citadin ne va aller que en augmentant. Et donc le verdissement des villes est quelque chose qui est nécessaire. Et voilà, effectivement, je me posais la question de savoir quelle connaissance on avait sur la mesure exacte du pouvoir rafraîchissant des plantes en ville. Et je vois que c'est des travaux en cours. Mais voilà, il faut suivre les travaux de Clarisse Abivin. Un mot peut-être Damien Bonnal aussi, une réaction à ces travaux? Pour dire en tout cas qu'il y a effectivement depuis quelque temps une mode de se dire que dans les villes on devrait remettre de la fraîcheur, en tout cas remettre des végétaux, et en fait on ne sait pas du tout évaluer est-ce que c'est est-ce qu'il y a un effet positif de ces arbres, ou alors est-ce que c'est juste un peu psychologique. Et donc ce travail est très important parce qu'il va permettre de répondre à la véracité de l'intérêt de ces projets. J'ai entendu parler dans notre région de ce genre de projet, que ce soit à Nancy ou à Strasbourg. Et par exemple, à Strasbourg, on va essayer de mesurer aussi la transpiration des arbres qui sont en ville pour, avec une autre méthode, comme on l'avait décrit tout à l'heure, avec cette méthode de mesurer les flux de sève, d'évaluer si ces volumes transpirés par les arbres peuvent contribuer réellement à faire que localement, on a un petit peu de rafraîchissement. Et à réduire les îlots de chaleur, dont il est beaucoup question à chaque canicule et qui sont effectivement des vrais problèmes urbains. J'aimerais qu'on termine, puisqu'on parle de chaleur et de réchauffement climatique, par, on a évoqué tout à l'heure dans la première partie, ces rivières volantes dans la forêt amazonienne. Peut-être qu'on peut en redire un mot, Damien Bonnal. Quand on parle de rivières volantes, ça n'est pas que imagé, c'est-à-dire qu'on parle vraiment de flots d'humidité qui peuvent rentrer à l'intérieur des terres jusqu'à plus de 3000 km. Oui, alors en plus, j'ai vécu en Guyane française pendant très longtemps, donc au cœur de la forêt tropicale humide, et je peux sincèrement dire que j'ai observé en fait ces phénomènes. Parfois, après une journée très ensoleillée, chaude, et des pluies qui arrivent violemment, eh bien, on voit ensuite énormément d'évaporation au niveau des écosystèmes forestiers, et ces masses d'air comme ça qui montent et qui vont effectivement se déplacer au-dessus de l'Amazonie et contribuer à faire que de la pluie est régénérée finalement plus rapidement que s'il n'y avait pas ces forêts. Les questions que l'on peut avoir autour de ces rivières volantes, c'est effectivement dans le contexte de changement climatique, d'évolution de la température, d'évolution de la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère aussi, hein, qui influence la photosynthèse, qui influence le fonctionnement des forêts. Eh bien, comment ces phénomènes vont évoluer dans le futur? Est-ce que ils vont rester très positifs, peut-être s'accentuer, rester très positifs pour la région, ou au contraire, évoluer dans un sens où leur impact réduirait, et à ce moment-là, ça pourrait avoir des conséquences importantes sur la pérennité des forêts tropicales humides. Donc, c'est des questions très importantes. Il y a des collègues brésiliens qui travaillent sur ces travaux-là, et qui, avec qui des Français ou des Américains ou des Européens au sens large collaborent, et nous permettent comme ça d'améliorer nos modèles de circulation atmosphérique, en fait. Il y a un projet, hein, Rios Voix d'Aurès, qui est né en 2007 sous l'impulsion de Gérard Moss et du professeur Antonio Nobré, dont on peut éventuellement dire un mot. C'est peut-être une réaction, Nathalie de Noblet-Ducoudray, parce que il y avait un article publié dans le New Scientist à la fin du mois d'octobre qui indique qu'à partir d'un certain seuil de déforestation, on risque finalement d'atteindre un point de bascule où l'évapotranspiration n'est plus suffisante pour continuer finalement à entretenir, à irriguer non seulement la forêt tropicale, mais aussi les cultures qui ont été mise en lieu et place des forêts que l'on a coupées et arrachées. Oui, je pense que c'est exactement le vrai problème. C'est pas tellement le problème du changement climatique, puisque le changement climatique, il va accélérer le cycle hydrologique, mais il ne va pas faire disparaître ce transport. Il peut déplacer des zones où la convection va se produire, et donc où les pluies vont se produire. Ça va être un déplacement de zones. Par contre, la déforestation ou bien la suppression de l'irrigation dans certaines régions, à part tout phénomène qui va couper la transpiration ou l'évapotranspiration à un endroit, prend le risque de supprimer une partie des précipitations dans un autre endroit. Donc ça, ce sont des phénomènes qui sont effectivement bien connus. Je pense que c'est le gros risque que l'on a aujourd'hui. Il est d'autant plus important que aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits du monde, en Inde par exemple, on arrive à des limites en termes de ressources en eau souterraines, et donc à des limites en termes de potentiel d'irrigation. Donc si on ne peut plus alimenter nos cultures par la pluie, et qu'on ne peut pas les alimenter par l'irrigation, ça pose un réel problème. Et donc vous avez des études effectivement qui montrent par exemple le bassin de la Plata en Amazonie est alimenté notamment en saison sèche, par de la transpiration d'un massif forestier situé quelques centaines de kilomètres en amont du flux de vapeur d'eau, donc de cette fameuse rivière volante dont vous parlez. Donc si ce massif vient à être coupé, l'eau de pluie, la pluie rare mais qui arrive de temps en temps en période sèche, risque de totalement disparaître. Donc là, il y a des études qui commencent à calculer ou à mesurer par ce qu'on appelle des phénomènes de rétro-trajectoire. Donc on essaye de retrouver l'endroit d'où vient la pluie et qui regarde quels sont les massifs de végétation, d'où viennent les pluies qui vont arroser des zones d'agriculture dans plusieurs régions du monde. Et je pense que là, il y a vraiment un travail à faire, et je pense que l'état de nos connaissances sur la distance du transport de la vapeur d'eau, le mécanisme, on le connaît, mais la précision est quelque chose qui nous manque encore et qui nous fait encore cruellement défaut. Damien Bonal. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à faire des hypothèses sur l'impact que pourrait avoir ce réchauffement climatique ou l'augmentation du dioxyde de carbone sur cette évapotranspiration, donc à l'échelle locale ou plus globale. Mais en fait, ces simulations, elles sont encore très imprécises, parce que il y a l'évapotranspiration, les facteurs qui engendrent cette évapotranspiration. Principalement, c'est la température de l'air, c'est la quantité d'eau dans l'air, donc l'humidité de l'air, et puis c'est le rayonnement, évidemment, qui vient toucher les feuilles. Et en fonction de l'évolution que pourrait avoir une augmentation de la température, est-ce que l'humidité de l'air va rester aussi forte en moyenne, eh bien ça va engendrer donc une évolution de cette évapotranspiration. Mais on sait aussi qu'il va y avoir une sorte de rétro-contrôle en fait de ces effets directs de la température, l'humidité ou le rayonnement sur ces évapotranspirations. Parce que par exemple, dans un écosystème qui aurait une plus forte évapotranspiration du fait de conditions climatiques plus favorables, une forêt par exemple, mais ça veut dire que concrètement, à un moment donné, elle transpire plus, elle prélève donc plus d'eau dans le sol par rapport à ce qu'elle faisait quelques décennies avant. Et donc si elle prélève plus d'eau et que la pluviométrie reste la même, ce qui est une hypothèse, eh bien ça voudrait dire que peut-être cet écosystème pourrait être soumis à un stress hydrique, à une sécheresse, un manque d'eau dans le sol de façon plus fréquente. Et donc ça devient un rétro-contrôle dans le sens que c'est finalement cette évapotranspiration, elle ne va pas continuer d'augmenter parce qu'elle va se mettre à réduire puisque cet écosystème manquera d'eau pour son évapotranspiration et les stomates, comme on l'a dit tout à l'heure, se fermeront. C'est ça. Et puis il y a aussi un autre paradoxe, non plus quant à la déforestation, mais quant à la concentration de CO2 atmosphérique, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un lien entre le CO2 et la transpiration. Plus il y a de CO2, moins il y a de transpiration. Mais en même temps, plus il y a de CO2, plus il y a de production de biomasse, donc plus de feuillage. Donc il y a plus de feuillage, il y a plus de transpiration. Donc en fait, ça veut dire que toutes ces rétroactions, on les maîtrise encore pas très très bien. Damien Bonal. Oui, tout à fait. On les maîtrise, à partir d'équations, hein, ou en tout cas de façon un peu théorique. On les a assez bien compris, toutes ces relations, au cours de ces dernières, enfin, à travers les travaux de recherche qui ont été faits au cours de ces dernières décennies. Mais à l'échelle d'un écosystème ou à l'échelle continentale, aujourd'hui, non, on ne les maîtrise pas, parce que ça va dépendre non seulement de ce climat, mais aussi de la façon dont l'homme va gérer ces écosystèmes. Si les forestiers viennent, comme on l'a évoqué, à raser cette forêt, bon, ça règle le problème. Mais ne serait-ce que si on se met à adapter la sylviculture, la façon dont on gère ces forêts, est-ce qu'on maintient autant d'arbres pour une surface donnée, pour un hectare de forêt par exemple? Est-ce qu'on garde les mêmes espèces? Est-ce qu'on garde du hêtre à cet endroit ou est-ce qu'on transforme le hêtre, on remplace le hêtre par une autre espèce? Ce sont des questions que l'on a en termes de gestion des forêts dans le futur. Eh bien, quelles vont être les conséquences de ces choix par l'homme, hein, sur la gestion de ces forêts et sur ces échanges d'eau, d'énergie entre les écosystèmes et l'atmosphère. Bah, aujourd'hui, on a du mal à pouvoir répondre. Nathalie Denoblet du Coudray, pour conclure. Bah, pour conclure, pour moi, le danger essentiel aujourd'hui pour la pluviométrie et les liens entre pluviométrie et croissance de la végétation, c'est pas tant que le changement climatique que effectivement notre gestion, notre occupation des surfaces, la façon dont nous allons cultiver, la façon dont nous allons utiliser nos ressources, comme le dit Damien, la façon dont nous allons choisir nos essences. Et je pense que là, on est dans une inconnue et on est aussi dans une limite par rapport aux outils grande échelle qu'on utilise. Le modèle Orchidée dont Nicolas Viovi a parlé tout à l'heure, on n'est pas encore dans une capacité dans ce genre de modèle de représenter très finement différentes essences d'arbres, différentes classes d'âge d'arbres, différents types d'agriculture. Et donc on a encore énormément de travaux de recherche à conduire. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'être venus nous parler de ce phénomène et de son évolution. Merci Nathalie Denoblet du Coudray, merci à Damien Bonal, merci à Clarisse Abivin pour la présentation de ses travaux, merci aux camarades de France Bleu Sud-Lorraine pour le duplex. Un mot pour vous dire que comme tous les mercredis, c'est le jour où vous pouvez retrouver les idées claires sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info, ainsi qu'en podcast avec aujourd'hui une question: accéder à une électricité 100% renouvelable est-il possible à l'échelle d'un pays? Vous allez voir que c'est assez complexe. Et puis, puisqu'on parle des idées claires, vous pouvez vous inscrire, on va vous mettre le lien également sur le fil Twitter de l'émission et sur la page de la méthode scientifique, au premier forum de l'année dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, forum Les Idées Claires, mardi prochain le 17 décembre. Il sera question de la façon dont on peut lutter contre les infox avec des échanges avec des classes de lycée. On parlera de la désinformation dans la santé, on parlera de la désinformation d'un point de vue philosophique à l'international, également un débat qui sera présenté par Emmanuel Laurentin. Tout ça est gratuit. gratuit, mais comme toujours, il faut vous inscrire sur le site de la Maison de la Radio. Une fois de plus, le lien est à retrouver sur notre fil Twitter. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Jean Guilhermège à la technique aujourd'hui. Demain, dans ce contexte social un peu complexe qui est celui du moment, nous tâcherons de tirer le bilan à mi-mandat de la politique scientifique du gouvernement et d'interroger les projets pour la seconde moitié, dont cette fameuse loi de programmation pluriannuelle pour la recherche qui fait beaucoup parler d'elle. Le tout, ce sera bien en compagnie de la première concernée, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sera notre invitée, Frédéric Vidal, à 16h demain, jusqu'à preuve du contraire.